Je me fie à l'instinct, vite ce cadre plus comme une Fiat Uno. Y'en a des noms pour qui je donne des services indénombrables. Moi je suis du genre pour un coup de pouce, je donne un ou deux de mes bras. Des fois m'arrive de croire que mon cœur tremble dans l'acier. Je fais du mal, ma tête connerie humaine empiète dans le ciel avec le cœur. Je dis merci à ceux qui m'encouragent à l'arrière-pris derrière un mic sans hésiter à ceux dans mon arrière-plan. Pour ceux qui m'amènent à la victoire, comme Raymond Guetal, ça mes partenaires. ADR4 qui manque le Guetta. Trop sur le cœur, autant que des sentences sous la E. Comme autant de conflits avant qu'on s'entende sur la O. Je reste simple en yage, même chez mon frère. Au comptoir d'Orient, je reste un, ma vie suffit. Moi je me contente derrière Hamdoulilah. J'ai mes deux bras, mes deux jambes et ma tête. Un cœur pour mes proches avec qui les épreuves nous attendent. Ça fait un break, je rêve plus, mais tu me diras pour le peu de sommeil. Ça fait un break, je me lève plus pour admirer le lever de soleil. Je me force l'œil à l'heure des jeans, me murmurant quelques mesures. Parfois même quelques grammes de jeans, quelques grammes de shit. Ne parviennent pas à battre mes pensées. Une coupe du monde dans le brossaire, c'est le bordel. Trop de cadavres se déterrent au bulldozer. La vie se fume d'horreur, dont je suis l'acteur principal. Pas la force de tourner jour et nuit, je suis pâle comme Armand Altaï. Et la taille. Je cicatrise malgré les entailles. Technique mouettaille, je vais chercher G dans mes entrailles. 22 ans de détention, une cinquantaine à purger. Dollars dès la naissance et menotté dès la nasurgée. De plus, j'ai le cœur meurtri, les poumons pleins de bactéries. Atterré, faut que je me barre avant qu'on pense à m'enterrer. Pour atterrir, où dans cette île, j'ai vu à la télé. Ma télé, bitch, je dirai à mes potes, vas-y, mon télé. Ok, t'es mal à patte à deux. Sous piqué ce qui vient de Thaïlande. Prise d'otage de taille, sensation forte, on t'alimente. C'est du sens que plus du GTA en fin de compte, une affaire personnelle. Bisous sur la joue, celui du tas, celui que personne n'aime. Les keufs carnage, grave gros carnage, les armes acquis. On le sent, je suis partage, mais ils donnent les armes acquis. T'as un corps tout chelou, petit, je te mets deux spies, un carton, je roue. Mais les cartes j'arrive, je te mets de lui, les cartons, je roue. Pour moi, la seule et l'étude à s'attacher, c'est relation. Pourquoi tant de solilitude, car si t'es chaud, viens me relâcher le chiffre. Fallacieux, j'avoue, j'en prends plaisir. Comme une fellation, on félicite. Et c'est prohibé qu'a fait le son. J'suis venu plaider la bonne cause. En fait, il n'y a plus de douane. Et ceux qui la pratiquent, tic. En gros, je leur mets plus d'un doigt. Écoute cela, massacre à Godzilla. Ouais, j'suis en plein dedans. DMC Godzilla, y'en a de trop. Donc j'ai appelé d'acquis. J'ai dans le cœur. J'crois que tu te mettrais à pleurer. J'ai trop mal. Et c'est pas une balle qui m'a effleuré. Je pense que le combat continue. Un peu comme Kerry. J'crois bien que ce monde, je suis venu. Rien pour conquérir. Tu me fais rire. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai pensé comme Macadam. Je me suis dit, buddy. Non, tu ne mourras pas. Depuis le temps que je pratique. Bon, t'en fais pas pour moi. J'ai pas de panier. Je suis un homme. Non, pas un homme, homo perdu dans les temps. Depuis le temps qu'on m'a dit top chrono chrono. Nique sa mère. Nique sa mère. Imagine vivre comme ça jusqu'à sa mort. Toujours hal quand sa mère. À faire louche, ça sent pas bon. T'as intérêt à ce que tes couilles soient toujours dans ton caleçon. Ça c'est pour tous mes mauvais garçons. GTA section d'assaut. Mais fuck si t'aimes pas le son. Escamica GTA. Ici on voit nos vies dans le vide qui pend. Usage est tel une vieille capone. Je songe à la vie d'Al Capone. Et sache que j'aime la vodka pomme. Escamica GTA. Un bon EP, COP, en bas en paix. Assis UP sans PEP ou CAP. Yeah. Et j'en place une pour tous les morts et les tétraplégiques. J'suis loin d'être aplati, mais un beau jour la mort t'attrape logique. Ouais, ouais. J'suis qu'un petit battant putain, début d'empathie. Avec appétit inquiétant, la compète est incompatible. Je garde la tête haute, même si le niveau bas je l'ai. Et chaque année pour oublier, je bois du nouveau Beaujolais. Écoute, président, moi j'en ai marre de tes morales. Écoute, ce son qui te monte au nez comme la moutarde Amora. Ma vie est calculée malgré un mauvais parcours en maths. Et c'est très dur pour qu'on ramasse des thunes comme Poco Ramate. Et si t'es pas content Le Pen, ferme ton clapet. Je viens pour te niquer ta mère vu que ta firme attaque la paix. Arrêtez de vous mettre aux normes, c'est ce qui fait que vos rap mécaniques maker. Vos flots métronomes et vos paroles qui sortent d'un pacemaker. Rap pas avec le cœur, c'est ce qu'il faut. Vos lyrics on les connaît par cœur, à la longue ça sonne faux. Soyons fous, un petit coup de new ou un niax, ouais. Pour exo c'est des sweats partout, négro bouillou les niaques, ouais. Universel comme Vivendi. Marcadéo en chasse le son qui te met la pêche du lundi au dimanche. Et c'est cool, on a le flow limpide qui coule, beaucoup sont groupies. Honnête comme des groupies, moi je sais bien qui rappe du groupion. Sexta c'est le groupe qui laisse exprimer le muscle cardiaque. Vérité et rêve au volant de ma petite arme cardiaque. C'est le quartier qui grimpe parce qu'il n'y a pas la mention factice. Qui rappe avec le cœur, donc à chaque rime faut l'infarctus. Plus fracture de la clavicule, je suis bouillant comme la canicule. Si son qui sort de la cape circule par la fenêtre de ton véhicule. Spectaculaire, c'est papy R. Ma compté sur Bulder qui te sèche en 18 battements comme un chlasse dans la jugulaire. Petit plus qui manque. Comme la sauce du Deluxe Potatoes. Tu vois on ose, on crée la sauce et c'est l'apothéose. Ça c'est pour ceux qui croyaient qu'un cœur, bah j'en avais pas. Cœur ouvert, je chantonne. C'est quelques mesures pour toute la mi-part. Ça c'est pour ceux qui croyaient qu'un cœur, bah j'en avais pas. Cœur ouvert, je chantonne ces quelques mesures pour toute la mi-part.